France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Mars 1981. Yves Mourouzi est interviewé au journal de 20h. Le présentateur de TF1 vient présenter son premier spectacle, la mise en scène d'une comédie musicale venue de Broadway, Barnum. Il s'est trouvé que je ne fais jamais de plan et que par hasard j'ai rencontré Barnum à New York et que je suis tombé amoureux du personnage, de l'esprit dans lequel cette comédie musicale a été écrite. Et je me suis dit, après tout, voilà, bah, faisons-le. Barnum, Phineas Taylor Barnum, le roi des bonimenteurs, l'inventeur du cirque à trois pistes et de ce fameux slogan « le plus grand spectacle du monde ». Mercredi, Barnum est le héros d'un nouveau film musical, The Greatest Showman, avec des musiques nouvelles, des paroliers de La La Land et avec Hugh Jackman dans le rôle-titre. Mais ce matin, je vous propose de découvrir Barnum, la première comédie musicale sur la vie de cet entrepreneur qu'adaptera à Paris Yves Mourouzi. Barnum avec des musiques signées par l'un des compositeurs de Frank Sinatra et Tony Bennett, Cy Coleman, ici en trio. Doctor gave you turns your cold to the grip. When a stitch to save nine others comes apart with a rib. When the rats invade your attic and start leaving your ship, follow my tip, come away on a trip. Just join the circus like you wanted to when you were a kid. Climb aboard before it moves on and you'll thank your lucky stars you did. Go to bed in Minneapolis, wake up in PA. Pack your roll, your brush and your comb again, ready to roam again, ready to stray. Bless your soul, you'll never go home again when the circus comes your way. But it's all in the red. Don't lose your head, pin this note to the bed. I'd join the circus like I wanted to when I was a kid. Climbed aboard before it moved on, and you bet your life I'm glad I did. Went to bed in Minneapolis, woke up in PA. Packed my robe, my brush and my comb again, ready to roam again, ready to stray. Bless my soul, I'll never go home again when the circus comes my way. I joined the circus like I wanted to when I was a kid. Climbed aboard before it moved on, and you bet your life I'm glad I did. Went to bed in Minneapolis, woke up in PA. I roll my brush and my comb again, ready to roam again, ready to stray. Bless my soul, I'll never go home again from the day I joined that circus. Be proud to say you'll join the circus. Step right this way and join the circus. Just put a banner in your hand. De Barnum au son très circassien. Et juste auparavant, Join the Circus, l'une des chansons phares de la comédie musicale Barnum en 1980, interprétée par Cy Coleman, le compositeur, au chant et au piano, accompagné par Jonathan Miller à la basse électrique et Ron Zito à la batterie. Barnum, cette comédie musicale, mélangeait donc cirque et comédie musicale, mais ce n'était pas la première tentative du genre. En 1935, Lawrence Hart, Richard Rogers avaient lancé Jumbo au géant Hippodrome Theater de New York. Déjà, il racontait la vie d'un entrepreneur de cirque en difficulté financière qui, le soir, après les représentations, se consolait en s'allongeant au pied de son éléphant géant et le laissait caresser son visage de sa grosse patte. P.T. Barnum avait acheté au zoo de Londres un éléphant pour son cirque qui deviendra une de ses grandes attractions. Avant d'entrer, plus à même, dans le Barnum, la comédie musicale de Cy Coleman, écoutons le cirque selon Richard Rogers, le compositeur de la mélodie du bonheur. Look here, there, everywhere. Throw your hats in the air. declare for the circus. The one and only wonder circus is on. Entire family, step right up and do not be afraid. Oh, what do you say? On your way, make today a holiday. The circus, the wonder circus, the wonderful wonder circus is on parade. La jolie voix de Doris Day dans cette adaptation à Hollywood en 1962 de la comédie musicale de Richard Rodgers. Jumbo, c'était The Circus is on Parade et je vous promets ce matin sur la 42e rue de France Musique puisqu'on est dans un cirque, beaucoup de cuivre et beaucoup de fanfares. Alors en 1980, Cy Coleman compose donc la comédie musicale Barnum d'après la vie de l'entrepreneur Phineas Taylor Barnum, le roi des bonimenteurs. En fait, il savait trouver des slogans mensongers pour les attractions qu'il présente. C'était vraiment son premier génie. Le spectacle débute à Broadway par une phrase d'ailleurs qu'on lui prête. « There is a sucker born every minute », en français « un naïf naît au monde chaque minute ». Le rôle à Broadway était tenu par un acteur débordant d'énergie qui devait savoir jongler, faire du trampoline et même chanter tout en marchant sur un fil posé au-dessus du sol. Un rôle tenu par Jim Dale qui s'était fait remarquer à Broadway dans l'adaptation d'une pièce de Molière, Les Fourberies de Scapin. Barnum is the name, P.T. Barnum. And whether you think my humbug's a blessing or a curse, you're still gonna buy it. Why? Because every 60 seconds in this world, a delightful phenomenon takes place which absolutely guarantees it. There is a sucker born every minute. Each time that second hand sweeps through the top like dandelions, up they pop their ears so big, their eyes so wide and low. I feed them bona fide baloney with no truth in it. Why, you can bet I'll find some room to buy my corn, 'cause there's a sure a shooting sucker born a minute. And I'm referring to the minute you was born. Each blessed hour brings 60 of them. Each time that wooden cuckoo shows its face, another sucker takes its place, plunks his quarter on the line to buy my brand of genuine malarkey. God bless and love them, but don't feel sad or hopping mad or cause a scene, 'cause there's a sure a shooting sucker born a minute. But ma'am, you might have been the minute in between. If I allow that right here in my hands, the smallest living human man, the sight of that is surely worth a dime. If I present an educated pooch who's trained to dance the hoochie-cooch, what better way to waste a bit of time? If I import at monumental cost a lady fair whose head was lost while crossing railroad tracks to pick some zinnias, who eats farina through a hose and wears pink tights instead of clothes, if that ain't worth a buck, my name ain't Phineas. Oh, you say that's hogwash, well, who cares? You buy my hogwash long as there's a sucker born every minute. Each time that second hand sweeps to the top like dandelions, up they pop their ears so big, their eyes so wide, and though my tail is bona fide baloney, just let me spin it. And ain't no man who can resist me, wait and see, 'cause there's a sure a shooting sucker born a minute. Excluding none. world is in when the way it is ain't what it's been. When folks just care for gold, thank God I'm old. When you take a gander at the news, when you hear the language people use, premières attractions de Barnum dès 1835, la jeune femme ridée, noire, qu'il promeut en osant dire qu'elle a 160 ans et qu'elle fut la nurse du futur président George Washington. Les gens y croient. Elle s'appelait Joyce Hess et Cy Coleman, pour ce personnage, compose dans sa comédie musicale Barnum cette chanson, interprétée ici par Terry White, Thanks God I'm Old. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Barnum, la comédie musicale de Cy Coleman, raconte la vie de l'entrepreneur. Comment, d'enfant pauvre, il invente un commerce de paris, puis d'attractions, de spectacles, repère des créatures étranges, des freaks, qu'il sait donc mettre en valeur. Il se plaît d'ailleurs, Cy Coleman, à composer pour quelques-unes de ses créatures des numéros chantés. En voici un autre. Pour un nain que Barnum avait découvert à Londres, qu'il fait venir aux États-Unis. Ses parents étaient pauvres à ce nain, sa mère travaillait dans une taverne, son père était charpentier. Et donc Barnum les convainc de l'emmener à New York, cet enfant qui n'a que 4 ans lorsqu'il commence à travailler pour Barnum, qui mesure un petit peu plus de 60 cm, pèse 7 kg. Barnum lui apprend à chanter, à danser, à se produire sur scène. Il en fait une célébrité internationale qu'il ira même présenter à la reine Victoria. Et pour le vendre, eh bien, il lui trouve un surnom tout à fait patriotique, général. Le général Tom Pouce. Dans le spectacle, le général Tom Pouce interprète aux côtés de Jumbo l'éléphant « Bigger isn't better ». I'm General Thumb, just come to town, a Yankee Doodle Dandy. I've et your scrapple, washed it down with just a nip of brandy. The mayor made me presents rare, the ladies did salute me. First rate I am, they all declare, and all my poses suit me. My success should open up your eyes. Don't judge nothing just by shape or size. Bigger isn't better, taller isn't braver, stronger isn't always wise. Smaller isn't necessarily the lesser, guts can come in any size. Lady luck can favor, just a little shaver, all for one who's 6'3". Brains in any tussle, mops the floor with muscle. Bet your life I'm glad I'm me. Bigger isn't keener, larger isn't bolder, higher might be low inside. When you need to lean upon a friendly shoulder, narrow's just as good as wide. See the mighty lion sitting there and crying, bitten by a tiny flea. Mammoth was colossal, what's he now, a fossil? Bet your life I'm glad I'm me. What's wrong in bulk may lag along in brains and heart. That handsome hulk might be a Lilliputian mentally, proven consequently. Though he shows his shoulders twice as big as boulders, if the brain's a tiny pea. When you're in a pickle, he ain't worth a nickel. Bet your life I'm glad I'm. Bet your life I'm glad I'm me. Some ant will still be treading after Armageddon. Measuring a hero, weight is less than zero. Height ain't worth a hoot in hell. Show me any hunka man can match a spunka, Tiny Tim or Little Nell. Giants look so awesome, folks are scared to cross them. Nonetheless, I guarantee, small as Yankee Doodle, if he's in a moodle, beat the whole caboodle using just his noodle. Bet your life I'm glad I'm me. The color of my life, a bountiful and bold, the purple glow of indigo, a gleam of green and gold, the splendor of a sunrise, the dazzle of a flame, the glory of a rainbow. I'd put them all to shame. No quiet browns or grays, I'll take my them till they overflow with rose and cherry red. And should this sunlit world grow dark one day, the colors of my a shining light to show the way. The colors my life are softer than a breeze. The silver gray of Ardown, the dappled green. The crystal of a raindrop are all I'll ever need. Your reds are much too bold. In gold I find no word. My days with sage and brown, the colors of the earth, handed from by my side. My colors of my life will leave a quiet light to lead him home. On doit au compositeur de Barnum, Cy Coleman, une dizaine de comédies musicales. La plus célèbre que vous connaissez certainement est Sweet Charity. C'était d'après le film de Federico Fellini, Les Nuits de Cabiria. Il fut un enfant prodige, Cy Coleman, dans les années 30. Dès l'âge de 5 ans, il faisait des concerts de piano. Il se tourne ensuite vers le jazz, la pop. Et il réussit à 25 ans à rentrer dans le cercle difficile de Broadway en faisant entrer une de ses chansons dans une revue. Dans les années 50, il va composer des chansons signatures pour Tony Bennett, pour Frank Sinatra, C'est The Best Is Yet To Come ou Witchcraft, et puis donc des comédies musicales. On le sent, il a le rythme dans la peau, des chansons très souvent balancées, empreintes de jazz et aussi de pop. Et Barnum sera donc sa 9e comédie musicale avec, comme chanson phare, celle qu'on vient d'entendre dans une version un peu jazz, interprétée par Dardanelle, The Colors of My Life. Sur scène, dans le spectacle, en fait, c'est un duo. Barnum explique d'abord à sa femme, à travers cette chanson, Charity, sa femme qui est un peu la bonne fée, qu'il a besoin de mettre des couleurs dans sa vie. Et elle, maintenant, lui répond. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1980, celle qui créait ce rôle de Charity Barnum, c'était Glenn Close. It's your own fault, Charity Barnum. If you'd only asked a few logical questions before you married him, you would have put a healthy distance between yourself and a fellow who wants to give the whole world a paint job, which I'm not so sure it needs. The colors of my life are softer than a breeze. The silver gray of Eiderdown, the dappled green of trees, the amber of a wheat field, the hazel of a seed, the crystal of a raindrop, are all I'll ever need. Your reds are much too bold. In gold I find no worth. I'll fill my days with sage and brown, the colors of the earth. And if from by my side my love should roam, the colors of my life will shine a quiet light to lead him home. Day of days for Bridgeport's favorite son. Living whales he sent to Hades, likewise Swedish singing ladies, and the local clockworks he will run. He could run a clockworks Barnum found. In 2 months he'd run it in the ground. Purchased then 500 shovels, said men mustn't live in hovels, and a new utopia I will found. Planned a very modern model town, elevated roads to stroll around. From so high it makes you groggy, built on land a trifle soggy. So as it rose up, it started down. Nothing but a pile of broken bricks. Not to worry, not to care, sir, with your talent for hot air, sir. What your order bees in politics? You could be an ogre man. Oh, wait. No, wait. Congressman, I mean U.S. Not state. Not state. Mayor. No, that's easy to begin. Senator, oh, what the dickens? Why not head a presidential sleigh? Black and white. He's playing politics in black and white. Here's my stand on women's rights. I'm for 'em. Slavery of any form's a nay. Taxes have to be increased to give to those who have the least. Tobacco I would ban as of today. Jerry, they're not listening to me. I'm losing them. Jerry, unless you let me bring some color into this campaign, they're gonna beat me. You gotta release me from my promise. Very well, Taylor. Go ahead. Un jazz inspiré de Fats Waller et de Hubie Blake, c'était Black and White, extrait de Barnum, la comédie musicale sur la vie du Phineas Taylor Barnum, une chanson qui illustre le moment où l'entrepreneur se lance en politique et aussi, on a entendu une petite coupure au milieu de la chanson, le moment où il perd sa femme, elle lui chante quand même qu'il faut qu'il continue comme ça sur sa lancée. Alors voici enfin une autre attraction dénichée par Barnum qui lui apporte lustre et qui provoque quelques infidélités. La découverte d'une chanteuse lyrique qui s'appelle Jenny Lind. En fait, il va organiser pour cette Suédoise une tournée prestigieuse. Lorsque Yves Mourousi a monté Barnum à Paris, au Cirque d'Hiver, avec dans le rôle titre Jean-Luc Moreau de la Comédie Française, c'est Anne Forez qui incarnait ce rossignol suédois, comme l'avait dénommé Barnum. Alors la voici, cette soprano. Et juste ensuite, vous entendrez la même chanson dans une version un peu plus swing. Thank you. Cycleman au piano et en formation trio Love Makes Such a Fool of Us, composé pour sa comédie musicale Barnum. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Il décide aussi de produire lui-même son spectacle, Cycleman, comme Richard Rogers en son temps. Alors pour cela, il doit convaincre des partenaires financiers de mettre de l'argent dans le projet. Et comme souvent, il multiplie les présentations, comme souvent à Broadway, je veux dire. Eh bien, il doit multiplier les présentations à des partenaires. Avec lui au piano et Michael Stewart, le parolier de Hello Dolly, à la narration. C'est lui aussi qui a écrit les paroles des chansons. Alors, c'est toujours passionnant d'entendre ce type de document, très rare. Une comédie musicale à l'état de projet, seulement défendue par ses auteurs. On a des enregistrements comme celui-ci. C'est le moment là où il présente un des morceaux les plus célèbres du spectacle, c'est le début du second acte. Tous les artistes dans Barnum sont réunis derrière une fanfare pour annoncer le cirque qui arrive en ville. The name of this first number we're going to do for you is Come Follow the Band. It starts out in the lobby of the theater long before the show begins. It begins with one instrument, a tuba, starting down the aisle. He's joined by another instrument coming in from the box, another coming down from the balcony until we build up to the full company and finally to Barnum himself as he sings the song. Follow the band wherever it's at. Let both of your feet beat time to the drum and feel your heart go rat-a-tat-tat. A flag in your hand, a plume in your hat, battalions of brass pass and catch the light. Is there a sight that's sweeter than that? See the pretty lady toss that baton high. Ain't she cute as a daisy? Watch the fella with the big bass drum go by. Ain't you glad that you stayed? Hear the tuba play that oom-pa-pa. Oh my, ain't it driving you crazy? Don't you be so darn lazy. Better hurry and join that big parade. Up out of your seat, down off of the stand, so sweet in your ear. Hear those hip hoorays, the happy laughter when the music plays, and when you see the leader proudly raise his hand, just follow the band. Hear the trumpet blast, hear the tugle blare, hear the boom of the bass and the rattle of the snare. With the sweetest burst of melody I know goes the piccolo. Hear the silver tone of the xylophone, hear the glide and the bellow with the slide trumpet. Then a burst of crystal, listen to it peal. It's the glockenspiel with the most majestic man who you'll remember all your life. Comes the mellophone, comes saxophone, comes sousaphone, comes fife. Then the brass sing out, the woodwind sigh, the trumpet shout and the drums reply, with a crash and a clang as the whole shebang goes by. Two upright pianos out on stage for the instrumental. Thank you.

I'll stake my future. I'll shake the dice. I'll take the odds. Then let it ride. Just let me choose. Play out my hand. I'd rather lose than have to stand along the side. And though there might be hell to pay, I'll take whatever comes my way and say with pride, at least I tried. J'aime beaucoup cette chanson de Barnum qui devait aller au personnage de Barnum et puis finalement qui a été coupé lorsque le spectacle a été monté à Broadway. C'était Cy Coleman, le compositeur, qui était au piano accompagné en trio par Jonathan Miller à la basse électrique et Ron Zito à la batterie. Barnum est actuellement à l'affiche à Londres, c'est à la Chocolat Meunier Factory, mais vous avez compris, l'histoire de cet entrepreneur a aussi donné des idées à Hollywood. Mercredi sort une nouvelle comédie musicale sur sa vie, The Greatest Showman, difficile de passer à travers le matraquage publicitaire, et c'est Hugh Jackman qui incarne Barnum, Michelle Williams, sa femme, avec une partition totalement nouvelle, composée par Benj Pasek et Justin Paul, lauréat cette année du Tony Award des meilleurs compositeurs à Broadway et parolier de La La Land, avec un résultat très pop, qui n'a pas la démesure d'un film musical comme Moulin Rouge. Une histoire aussi bien plus simple et linéaire que la comédie musicale Barnum. Vous en aurez en tout cas plein les yeux. Voici un extrait, la chanson de Charity Barnum, interprétée par Michelle Williams. Some people long for a life that is simple and planned, tied with a ribbon. Some people won't sail the sea, 'cause they're safer on land, to follow what's written. But I'd follow you to the great unknown, off to a world call our own. Hand in my hand, and we promise to never let go. We're walking a tightrope, high in the sky we can see the whole world down below. We're walking a tightrope. With you. Ooh, ooh, ooh, ooh. With you. The Greatest Showman à découvrir au cinéma dès mercredi. Sur la page de 42e rue, vous retrouverez la bande-annonce de ce film et aussi du spectacle Barnum actuellement à l'affiche à Londres et quelques archives. Vous pourrez aussi regarder 42e rue et toutes les vidéos de notre cabaret de la semaine dernière avec la troupe des Parapluies de Cherbourg. Rendez-vous sur francemusique.fr. Cette émission est la vôtre, hein. Vous pouvez la podcaster. Commentez sur la page Facebook où vous retrouverez l'actualité de la comédie musicale et aussi tweeter avec le hashtag 42 rue. 42e rue, Laurent Vallière, Martine Mony, Adeline Omello, Fabien Flora, on vous souhaite un très bon dimanche. Restez avec nous dans un instant, Jean-Baptiste Urbain. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.